ma fille la nuit, elle m'attend. Bombata Crew, yeah. Marseille, centre-ville, yeah. C'est ma ville la nuit, on rêve de belles sortes. Partout c'est le même sort. Malgré tous ses défauts, c'est ma zone. Et tu seras le bienvenu chez moi. Dans ma ville, la nuit, la haine nous dévore. Mais ça nous rend plus forts. On tient nos nuits dans le shit au sous-sol. Minuit passé à que des putes et plus de cendrillon. Investi sur l'album, écoute la délinquance en échantillon. Y'a des petits, des grands qui montent dans ce pays où la violence triomphe. Les règlements comptent aux 20h en 10 ans. C'est pour nos secteurs, les environs. Dédié aux coupables innocents, à la cause d'une balance qui se trompe. Ici ça trafique shit coke, exa ou champignons. Parce que plus personne compte sur l'euro million. Y'a ce côté chaud et froid qui fait qu'on se tue à la vodka et au Dylan. Demande si c'est la merde, mais rediront. De la maternité à la mort, crois pas que le chemin soit aussi long. Mon son, les groupies longs avec un gros pilon. C'est pour les maîtres de zone d'ombre qui traînent en petit nombre. Ça part en couille car le manque de conscience, la folie comme. J'esquive l'ambulance et le comico. Mon flow est au niveau, c'est du processus verbal bracomino. C'est ma ville, la nuit, on rêve de belles sortes. Partout c'est le même sort. Malgré tous ses défauts, c'est ma zone. Et tu seras le bienvenu chez moi. Dans ma ville, la nuit, la haine nous dévore. Mais ça nous rend plus forts. On tient nos nuits dans le shit au sous-sol. Pour oublier ce que nous sommes. En direct des quartiers difficiles. Paroles explicites. Chez nous même les cul-jattes font des délits de fuite. Des mecs se font canner. Et c'est trop tard pour composer le 18. Ici y'a que des princes de la récidive, yeah. Tout le monde regrette les années collège. Les collègues ont le choix entre l'abonnement de l'OM et celui des beaux maîtres. Plus on avance et plus on se dit que l'espoir est dead. C'est pas parce que l'accent est joli que l'histoire est belle. Avant de vouloir soulever des montagnes, je commence par savoir changer ma roue. Quand y'a mon pneu qui crève sur un dotan. N3, bitume, matricule. Prise de sueur froide, les vieilles ont peur de moi comme d'une canicule. On squatte sous l'abribus avec toute la tribu. C'est l'étiquette des voitures qui brûlent qu'on nous attribue. Elle est moins belle, la vie de la Côte d'Azur. Ne te fie pas aux cartes postales, l'odeur de la piste, nous on l'assure. C'est ma ville, la nuit, on rêve de belles sortes. Partout c'est le même sort. Malgré tous ses défauts, c'est ma zone. Et tu seras le bienvenu chez moi. Dans ma ville, la nuit, la haine nous dévore. Mais ça nous rend plus forts. On tient nos nuits dans le shit au sous-sol. Pour oublier ce que nous sommes. Les bruits et les sirènes retentissent. Devant une belle pour du sexe, les bandits s'attendrissent. Ça vole, ça mendie, on traîne tard en ville. Esquive les flics pour voir notre argent sale blanchi. Pendant qu'en toll, ça se branle et sa cantine. Représente les coins pas tranquilles. Sur la trajectoire de la balle que ça t'en tire. Passe la bouteille que je l'enquille. Tout va bien, je me jetterai pas dans le vide. Ce soir, c'est les hyènes face aux chiens de Sarkozy. Tu veux sortir en boîte en poche, y'a pas un centime. Quand c'est la merde, faut apprendre à pas la sentir. Comme l'ont très bien dit certains, dehors ça glisse. Donc gare à ton fils ou sois garanti qu'il atteindra pas 30 piges. Ce flic apprenti flippe et s'attend au pire. Ce voyou fait grise mine et n'a pas le temps de fuir. Nombreuses seront les victimes, on va pas se mentir. Ne fais pas les fils si tu ne sais pas conduire. C'est ma ville, la nuit, on rêve de belles sortes. Partout c'est le même sort. Malgré tous ses défauts, c'est ma zone. Et tu seras le bienvenu chez moi. Dans ma ville, la nuit, la haine nous dévore. Mais ça nous rend plus forts. On tient nos nuits dans le shit au sous-sol. Pour oublier ce que nous sommes. El Matador Brascourt, yeah. C'est ma ville la nuit. Ta page torture, yeah. Pour nos rues, Marseille.